Lasagne d'aubergine, 4 personnes. 1 kg d'aubergine, sauce tomate, huile d'olive, basilic frais, 150 g de parmesan râpé, gros sel, sel et poivre. Lavez et coupez les aubergines dans le sens de la longueur, 1 cm d'épaisseur. Disposez dans une passoire avec un peu de gros sel, laissez dégorger une heure. Puis rincez et épongez. Faire griller les aubergines avec un peu d'huile d'olive. Versez un peu de sauce tomate dans un plat allant au four. Répartissez les aubergines en couvrant de sauce tomate plus basilic plus parmesan. Montez vos lasagnes, terminez par une couche de sauce tomate. Cuire au four 180 degrés 30 à 40 minutes. Ce plat convient aux végétariens. Vin conseillé, Bordeaux rouge supérieur à boire avec modération.